Les petites histoires de Telming. Coucou les enfants, c'est Mathieu. Du fond du cœur, merci. Vous avez été près de 200 à choisir les ingrédients de notre première histoire. Vous avez voté pour un ou une jeune agent secret, dans un monde couvert de glace, même s'il s'en est fallu d'un cheveu pour que ce soit une île peuplée d'animaux étranges. L'événement qui lancera l'aventure sera l'extinction du soleil, et du côté des obstacles, il y aura des monstres de glace et un labyrinthe infernal. J'ai écrit tous ces ingrédients sur des post-it, et je me suis creusé les méninges pour trouver une idée d'histoire. Comme promis, je vais vous raconter le début, et vous devrez choisir la suite. Voici ce que j'ai imaginé. Le soleil qui s'éteint mystérieusement, le monde qui gèle, des monstres de glace qui apparaissent un peu partout. Pour Zélie, tout est lié. Sauf que tout le monde est trop paniqué pour la prendre au sérieux. Après tout, elle n'a que 8 ans. Impossible qu'une enfant puisse trouver la solution qui sauvera le monde des glaces. Mais les moqueries ne la découragent pas, bien au contraire. Armée de son doudou, tricoté avec amour par sa mamie, Zélie se lance dans une enquête. Manque de chance, elle tombe sur un monstre de glace pas du tout ravi de sa présence. Et là, deux choses absolument folles vont se passer. D'abord, son doudou se transforme en bouclier pour parer toutes les attaques du monstre. Ensuite, sa mamie déboule, armée de pelotes de laine enflammées qui font fuir l'affreux Jojo. Zélie n'en revient pas. Sa mamie lui révèle qu'elle n'est pas qu'une vieille tricoteuse. Elle est à la tête d'une organisation secrète qui œuvre dans l'ombre pour résoudre les plus grands mystères du monde. Et là, c'est un sacré mystère. Comme Zélie, sa mamie est persuadée que l'extinction du soleil et l'apparition des monstres de glace n'est pas une coïncidence. Elle aussi s'est lancée dans une enquête qui piétine malheureusement devant trois portes fermées et impossibles à ouvrir. Et elle va avoir besoin de l'aide de sa petite fille, car son doudou est magique. En plus de la protéger, c'est un passe-partout capable d'ouvrir toutes les portes du monde. Laquelle des trois portes closes, Zélie et sa mamie vont-elles choisir d'ouvrir en premier? C'est à vous de décider. Rendez-vous sur telming.com/lph, telming.com/lph. Vous aurez le choix entre trois propositions. Une bouche d'égout qui permet d'accéder au sous-sol gelé de la ville, l'entrée d'une mine abandonnée qui plonge dans les profondeurs d'une montagne enneigée, ou la porte d'un château de glace qui a surgi au beau milieu d'un centre commercial. Alors, quel endroit Zélie et sa mamie vont explorer en premier? Rendez-vous sur telming.com/lph pour me le dire. Faites-le tout de suite, car jeudi soir, les votes seront fermés. J'ai trop hâte de lire vos réponses et d'imaginer la suite de l'histoire. J'espère que vous serez nombreux à participer. Je compte sur vous. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.